Dynamo. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 avril 2017 et voici tout de suite les grands titres de cette édition. La forte pluie tombée ce dimanche après-midi a provoqué des inondations mortelles dans le quartier Kamenge à mairie de Bujumbura. Un enfant en a été victime. Reportage dans ce journal. 9 étudiants de l'université du Burundi sont déjà dans les mains de la police depuis la semaine dernière avec leurs condisciples et ceux de l'école normale supérieure. Ils revendiquent la révision du décret instituant la gestion des bourses d'études et de stages. Et l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux AMPC, Girubuntu, une des associations des victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi, estime que la commission Vérité et Réconciliation s'est piégée avec des personnalités ayant des mandats politiques à la tête de leur démembrement à travers le pays. Vous entendrez le président de cette association, Aloïse Watungwainayo, dans ce journal. Bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, le développement de ces titres et d'autres nouvelles, bien sûr. L'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, c'est une des associations des victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi, ne trouve pas rassurant que les démembrements de la commission Vérité et Réconciliation au niveau local soient pilotés par une personnalité ayant un mandat politique tel que le conseiller socioculturel du gouverneur de province. Aloïse Watungwainayo, président de l'AMEPC Girubuntu, explique qu'il sera difficile pour lui de chercher la vérité tant qu'il est soumis aux ordres de son supérieur hiérarchique. Il précise qu'il s'agit d'un piège pour la CVR. Suivez Aloïse Watungwainayo, il est au micro de Placide. D'abord, nous saluons le principe de démembrer la commission Vérité et Réconciliation qui a longtemps traîné à être démembrée, à être représentée au niveau de la base. Qu'à cela ne tienne, il y a des inquiétudes de la part de la composition de ces démembrements. Nous trouvons vraiment pas rassurant de voir des gens qui ont d'autres responsabilités et de surcroît des responsabilités politiques piloter ces démembrements. Surtout piloter, c'est vraiment un piège, un handicap, un obstacle au bon déroulement de la recherche de la vérité et de la réconciliation. Pourquoi cela? Parce que le conseiller socioculturel au niveau de la province, c'est d'abord un homme politique. C'est un homme qui a un mandat public, mais un homme qui a un mandat également politique parce que c'est un employé de la province sous la responsabilité des gouverneurs. C'est-à-dire que il doit d'abord s'acquitter des tâches lui confiées par le gouverneur. C'est-à-dire que il ne pourra pas se disponibiliser à aider à la recherche de la vérité tant qu'il ne sera pas acquitté des tâches lui confiées par le gouverneur. C'est le premier handicap. Le deuxième handicap, c'est son idéologie politique. Un conseiller socioculturel, c'est quelqu'un qui est issu d'un parti politique X. Il lui sera difficile de pouvoir dénoncer une vérité crue, mais qui est quand même gênante pour son idéologie politique. Ça, c'est vraiment un obstacle à la découverte de la vérité, aussi de la promotion de la réconciliation. Mais bien sûr, la CVR explique qu'au niveau de la composition de ces démembrements, il y aura ceux de la société civile, les religions. Est-ce que vous ne trouverez pas que ces personnes peuvent redresser la situation pour que soit le représentant au niveau provincial reste Le représentant provincial, d'abord, ne peut pas rester neutre, d'abord parce qu'il a un mandat politique et public. Il a des tâches qui lui sont confiées par le gouverneur. C'est-à-dire qu'il devra nécessairement, à tout prix, respecter son gouverneur sous risque d'être limogé de ses fonctions. Et s'il est limogé de ses fonctions de conseiller social, il ne pourra plus représenter ce démembrement. Aloïse Watungwainayo, président de l'AMPC Girubuntu, qui recommande plutôt que ces démembrements soient plus pilotés par une autre personnalité qui n'est pas issue d'une formation politique ou qui n'a pas de fonction au sein de son parti politique et qui par conséquent peut travailler sans avoir peur d'être limogé. Suivez encore une fois Aloïse Watungwainayo, il est président de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux. Je pense qu'il y a encore du temps pour rectifier le tir. C'est que ces démembrements peuvent être d'abord dirigés par quelqu'un qui n'est pas issu d'une formation politique. S'il y a la société civile, s'il y a les confessions religieuses, ces gens-là peuvent piloter ces démembrements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas contre qu'il y ait des membres des partis politiques qui fassent partie de ces démembrements, mais que ces membres des partis politiques n'aient pas d'autres fonctions au sein de leur parti politique. Parce que quelqu'un qui a une fonction au sein de leur parti politique, il est d'abord sous les ordres de son parti politique, sous risque d'être limogé dans ses fonctions politiques s'il désobéit au chef de son parti politique. Donc, nous disons, si on prend par exemple les conseillers communaux ou d'autres personnalités qui sont dans la province, ils peuvent faire partie de ces démembrements et piloter ces démembrements pour que ces gens-là aient les mains libres, non pas les mains liées, pour chercher la vérité sans aucun gêne de leur idéologie politique. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, un enfant du quartier Kamenge est mort hier dans des inondations consécutives à une forte pluie tombée l'après-midi de ce dimanche. L'école fondamentale Kamenge 2 a été fortement touchée par ces eaux de ruissellement. La police de protection civile était à l'œuvre ce matin pour faire le curage de la rivière Nyabagere qui a causé ces inondations après avoir débordé suite à ces pluies. C'est un reportage de Pascal Nioyangonze. Ce sont les habitants de Kamenge qui s'étaient joints aux agents de la police et de la protection civile dans les travaux de curage de la rivière Nyabagere au niveau du pont situé près du marché de Kamenge. Des troncs d'arbres et beaucoup d'herbes emportées par la rivière avaient bouché le pont et les eaux ont dévié, passant au-dessus de la route. Des eaux de ruissellement ont alors envahi les habitations, mais les constructions qui ont beaucoup été inondées sont celles de l'Ecofo Kamenge 2, près de l'église Pentecôte. Parmi les dégâts, on parle d'un enfant qui aurait été emporté par les eaux lorsqu'un motard essayait de traverser. Ces eaux qui ont dévié ont abîmé ce pont, creusant un trou, et c'est le même trou qui aurait sauvé le motard, comme l'indiquent les habitants de Kamenge qui étaient sur les lieux. La police de protection civile, qui était venue pour ces travaux de curage, avait apporté des équipements, dont un moteur aspirateur pour la canalisation de ces eaux vers la rivière Nyabagere. Merci Pascal. Et l'administrateur de la commune urbaine de Nangwa, Edipol Hakizimana, indique qu'à part cet enfant qui a perdu sa vie, des eaux de pluie ont inondé l'école fondamentale de la place et la première avenue de la zone Kinama. Cet administratif signale que les travaux de curage sont déjà en cours. On l'écoute. La question des inondations qui ont eu lieu hier, l'Ecofo Kamenge 2 a eu vraiment des problèmes puisque les inondations sont très graves, je dirais, mais l'État est en train de faire tous les moyens possibles pour que les élèves qui fréquentent cette école soient vraiment prêts à continuer leurs études. Pas deux personnes tuées, mais un enfant qui a été emporté par ses eaux. Cette personne était avec un motard qui n'a pas vu sa disparition. Enfin, l'État est en train de faire tous les moyens possibles pour que, en collaboration avec la boutique et la Banque mondiale, l'État est en train de construire des canaux pour la conduite des eaux usées. Le plan A, c'est le plan de construire des canaux, des grands canaux pour la conduite d'eau. Ça a déjà commencé avec le mois de février. Et la rivière Nyabagere et la rivière Kinyangongé, tout ça, les travaux sont en cours. Voilà, c'était l'administrateur de la commune urbaine de Nahangwa, Edipol Hakizimana, dont les propos ont été recueillis par Pascal Nioyangonze. 9 étudiants de l'Université du Burundi sont dans la main de la police depuis qu'ils aient commencé à réclamer la révision du nouveau décret instituant la pré-bourse. La police a déjà confirmé que les deux premiers ont été arrêtés pour enquête sur un probable mouvement insurrectionnel au sein de cette institution. Les étudiants ont déjà arrêté les cours demandant leur libération et la révision de ce décret. Et dans l'entretemps, réaction en dialogue franc entre tous ceux qui pourraient apporter leur contribution sur la question du nouveau système d'octroi de la bourse est nécessaire. Un des anciens représentants des étudiants de l'Université du Burundi appelle et le gouvernement et les étudiants, chacun à ne pas rester sur sa position. Eric Ngengo Burundi estime que ce décret instituant la pré-bourse ne devrait pas être appliqué immédiatement, mais qu'il nécessite une préparation psychologique. Suivez Eric Ngengo Burundi. C'est un ancien représentant des étudiants de l'Université du Burundi. La question de la pré-bourse, c'est une question qui date de très longtemps parce que même dans les années 2004-2005, on avait tenté à supprimer la bourse pour remplacer avec le système de pré-bourse. Mais en réalité, dans cette période, il y avait quand même un compromis parce qu'on essayait de mener des rapprochements, des dialogues à travers plusieurs niveaux. Et sinon, en réalité, la bourse conditionne la vie de tout étudiant, qu'il soit externe ou interne. Donc, supprimer la bourse implique automatiquement la privatisation de l'université dans son entièreté, surtout pour ce qui concerne le service de la régie des œuvres universitaires, parce qu'il s'agit notamment des services sociaux qui, en principe, sont conditionnés par l'obtention de cette bourse. Dans ce cas, ça veut dire que la pré-bourse ne peut en aucun cas satisfaire tous ces besoins de l'étudiant. C'est pour cette raison que quand même je pense que la mesure a été brutale et que la revendication des étudiants est légitime et mérite même une compréhension de tous les partenaires. Surtout que ces étudiants, la grande partie sont issus de familles pauvres, mais là aussi, ils auront un problème aussi de majorer sur cette pré-bourse pour qu'ils puissent accomplir tous les besoins. Comme la mesure a été brusque, ça, c'est un problème, mais pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus de tous les partenaires. Bien sûr que la question a été dictée par la conjoncture économique, ce qui fait que, à mon avis, je propose qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait une gestion qui se fait à travers un dialogue entre les étudiants et l'autorité électorale, en plus aussi de tous les partenaires de l'éducation, avoir même la présidence de la République, même l'implication des députés pour que quand même tous les côtés puissent se ressaisir. Donc il ne faut pas qu'il y ait un bras de fer, il ne faut pas non plus que le gouvernement use de la force. Il faut à leur part qu'ils puissent se demander en premier lieu ce rapprochement, ce dialogue pour qu'il soit écouté. Moi, je pense qu'il faut une résolution consensuelle, qu'il faut un compromis qui provient d'un dialogue qui rassemblerait tous les partenaires. C'était Eric Ngengo Burundi, un ancien représentant des étudiants de l'Université du Burundi. Et on fait le point avec Alain Désiré Bokayeneza sur les arrestations de ces étudiants en grève. Parmi ceux qui sont déjà arrêtés figure Élisée Dushime, il est délégué général au sein de la faculté d'économie, arrêté mardi de la semaine passée. Oda Singhonzimana a été arrêté la veille, il est vice-délégué général des étudiants de l'Institut de pédagogie appliquée. Le porte-parole de la police nationale a déjà annoncé que les deux sont auditionnés au sein du service national de renseignement pour une probable insurrection qu'ils préparaient au sein de l'université du Burundi. Dieudonné Bigirimana, un autre délégué de la faculté d'économie, a été arrêté ce dimanche pour une deuxième fois consécutive. Il avait été relâché après son arrestation avec deux autres de l'Université du Burundi et deux de l'École normale supérieure au moment de leur comparution jeudi le 16 mars cette année devant le parquet du tribunal de grande instance de Mukaza. À côté de ces trois étudiants, six autres ont été arrêtés après une bagarre survenue la nuit de ce samedi au campus Mutanga. Les étudiants disent que ceci ne devraient être retenus dans le même dossier. Et pour cause, continuent ces étudiants, cette bagarre n'a rien à voir avec les doléances des étudiants concernant la révision du nouveau décret. Entre-temps, les étudiants de l'Université du Burundi ont déjà arrêté les cours depuis jeudi de la semaine écoulée. Ils demandent la libération de leurs condisciples, tout comme ceux de l'École normale supérieure qui ont déjà arrêté les cours il y a déjà une semaine. Tous demandent la révision du nouveau décret instituant le système de pré-bourse qui pour eux constitue une entrave aux enfants de simples citoyens pour accéder à l'université. Alain Désiré Bokayeneza, sachez que le porte-parole de la police n'a pas réagi au sujet de ceux qui continuent d'être arrêtés. Deux nouvelles brèves de Provence avant l'actualité sportive, comme tous les lundis, et bien sûr l'actualité internationale. Ce sera pour boucler ce journal. Sept militaires ont comparu devant le juge du tribunal de grande instance de Muyinga ce lundi. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité de l'État et complicité de vol à main armée. Leur dossier est lié au coup de feu entendu dans les parages du Kamukoni dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier. L'avocat de deux d'entre eux demande au juge de se dessaisir du dossier qui devrait être soumis au conseil de guerre compétent pour un tel dossier. Les juges ont mis l'affaire en délibéré pour se prononcer sur la compétence ou l'incompétence du tribunal de grande instance de Muyinga à cet effet. Et un homme a été tué après avoir été battu par des personnes non encore identifiées sur la colline Mugoboka de la zone Gitega rurale. Ce dimanche, dans l'après-midi, la police précise que le défunt a été surpris en train de voler de la nourriture dans un ménage et qu'il a été battu à mort. La police indique qu'elle cherche les auteurs de ce crime tout en rappelant que se faire justice est un délit. Sport maintenant, la 24e journée du championnat national de football en première division. Trois clubs de Bujumbura, à savoir Lydia Ludic, Vitalo et Atlético Olympique, sont les principaux rivaux pour la première place. Cela étant, les trois dernières formations, à savoir Muzinga, Magara, Star et Flambeau de l'Est, risquent de chuter vers la deuxième division si rien ne change. L'actualité sportive du week-end dernier avec Évariste Nzikobanyanga. Vendredi, sur le nouveau stade se trouvant au chef-lieu de la province Muyinga, Olympic Star a été battu à domicile par Aigle Noir de Makamba 2-1. Samedi, au stade des Princes Lugwagasore à 14h, les Lières de Bujumbura et Flambeau de l'Est de Ruyigi ont fait un but partout. À 16h, sur la même pelouse du stade des Princes Lugwagasore, Atlético Olympique a égalisé avec Bujumbura City un but partout. Au stade Vyidzigiro de Rumonge, Magara Star a été battu à domicile par Lydia Ludic Burundi Sport for Africa 2-1, c'était à 14h. À 16h, sur la même pelouse, Vitalo s'est imposé 2-0 contre l'équipe militaire Muzinga. Au stade de Gitega, Musongati a égalisé à domicile avec Ngozi City 2-2. Ce dimanche, Rusizi FC de Chibitoke a battu Interstar 3-1 lors du match qui s'est déroulé au stade de Buganda. Trois formations, à savoir Lydia Ludic Burundi Sport for Africa en première position avec 54 points, Vitalo deuxième avec 50 points et Atletico troisième avec 50 points également sont les principales rivales pour le titre du championnat en cours si rien ne change. Cela étant, les trois dernières, à savoir Muzinga 14e avec 19 points, Magara Star 15e avec 19 points également et Flambeau de l'Est en dernière position avec 16 points risquent de chuter en deuxième division si rien ne change. Le championnat de volleyball en mairie de Bujumbura était en sa 6e journée. Samedi, sur le terrain du département de sport, côté filles, les As ont battu New Colombe 3-7-2. Muzinga a battu Gender Light Club 3-7-0. Dimanche, sur le même terrain, côté filles encore, New Colombe a battu Spirou 3-7-1. Côté garçon, Muzinga a battu Rukinzo 3-7-1. Merci Évariste pour cette actualité sportive. On revient sur cette nouvelle de province. Avant l'actualité internationale, les prix de transport de matériaux de construction ont été revus en hausse à Gitega. Et cela depuis ce vendredi. Les transporteurs de ces matériaux indiquent que c'est pour compenser l'argent qu'ils payent au ministère de l'Environnement. Et c'est une correspondance d'Arthur Kavabouchi. Ce nouveau tarif des camions BEN qui transportent différents matériaux de construction sont issus d'une réunion ayant rassemblé les propriétaires de ces camions ainsi que leurs chauffeurs. Une réunion qui s'est tenue il y a 2 semaines où ils ont ajouté une somme de 5000 francs à 20 000 francs sur le tarif habituel. Les conducteurs de ces camions BEN font savoir qu'une BEN de sable est passée de 55 000 francs à 65 000 francs et que celle de pierre des collines est passée de 60 000 francs à 70 000 francs au moment où celle des pierres de rivière est passée de 90 000 francs à 100 000 francs. La benne de gravier des collines est passée de 70 000 francs à 75 000 francs et celle de gravier de rivière est passée de 80 000 francs à 100 000 francs. La benne de bouillon, quant à elle, passée de 55 000 francs à 65 000 francs. Cela étant, l'allocation journalière d'un camion benne est également passée de 180 000 francs à 200 000 francs. Selon ces chauffeurs, ces tarifs ont été revus à la hausse pour plusieurs raisons, à savoir la quittance annuelle de l'environnement qui est passée de 125 000 francs à 500 000 francs, plus 50 dollars américains à payer en devise au ministère de l'Énergie et des Mines. Parmi les causes de cette hausse figure la taxe communale annuelle qui est passée de 50 000 francs à 60 000 francs, ainsi que la cherté des pièces de rechange, par exemple en prix d'emprunt. Le pneu est passé de 250 000 francs à 500 000 francs bourg. Les constructeurs, quant à eux, indiquent qu'ils ne vont plus pouvoir continuer à cause de la hausse incessante des prix et demandent à l'État de suspendre cette mesure au moins jusqu'au début de l'été. Les conducteurs de ces camions affirment avoir donné une copie du procès verbal de leur réunion au gouverneur de la province de Gitega ainsi qu'à l'administrateur de la commune Gitega. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale en Afrique du Sud. La semaine politique s'annonce tendue pour Jacob Zuma. Et au Mali, on parle de la fin de la première phase de la conférence d'entente nationale, alors qu'en République démocratique du Congo, les habitants du Kasaï ont connu un week-end de terreur. Ali Danda Ikeza. En République démocratique du Congo, la situation est toujours très précaire dans le Kasaï, où il y a eu des affrontements sanglants entre les miliciens se réclamant du chef traditionnel local, Kamwina Sampou, et les forces armées. Des miliciens ont attaqué samedi dès 6 heures les soldats postés à l'entrée de la ville. Comme on peut le lire sous la RFI, dimanche matin, les habitants ont appris que les militaires étaient en chemin. La plupart des assaillants ont alors quitté la ville, mais en fin d'après-midi, les miliciens sont revenus nombreux à Louébo. En Afrique du Sud, l'onde de choc provoquée par le remaniement ministériel décidé par le président Jacob Zuma continue de se propager. Après avoir remercié son ministre des Finances, les opposants de Jacob Zuma font bloc pour mettre la pression sur le chef d'État. Comme l'écrit RFI Afrique, le porte-parole du parti d'opposition COPE a estimé que le président est le pire ennemi de l'économie sud-africaine et il envisage un recours en justice contre Jacob Zuma pour haute trahison et sabotage économique. Une pétition en ligne appelant à la démission de Jacob Zuma a déjà recueilli plus de 300 000 signatures. Le leader de l'Alliance démocratique a lui appelé les députés de tous bords à prendre leurs responsabilités en déclarant que Jacob Zuma doit partir. Au Mali, la première phase de la conférence d'entente nationale s'est achevée dimanche à Bamako sans que la question du statut de l'Azawad, le groupe rebelle qui attaque souvent le Nord, ne soit évoquée. Africa News écrit que dans les résolutions de la conférence, il a été demandé d'engager des négociations avec le prédicateur radical Amadou Koffa dans le cadre de la recherche des solutions pour le retour de la paix dans le nord du Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré qu'un comité d'experts doit se constituer pour discuter de la question de l'Azawad. Merci Alida Ndaïkeza pour cette actualité internationale. Je rappelle les grands titres avant de nous séparer. La forte pluie tombée ce dimanche après-midi a provoqué des inondations mortelles dans le quartier Kamenge à mairie de Bujumbura. Un enfant en a été victime. 9 étudiants de l'Université du Burundi et ceux de l'ENS sont déjà dans les mains de la police depuis la semaine dernière. Avec leurs condisciples, ils réclament la révision du décret instituant la gestion des bourses d'études et de stages. Et l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, une des associations des victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi, estime que la commission Vérité et Réconciliation s'est piégée avec des personnalités ayant des mandats politiques à la tête de leur démembrement à travers le pays. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Jean Dodieu pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier. Je ne fais que rendre hommage à notre confrère de RFI, Laurent Sadou, qui vient de nous quitter. Un bon après-midi.